ici. Les jeunes ont tous perdu le chemin de la fac, préfèrent étudier le tochi, les techniques pour cramer la bac. Mais les histoires sérieuses arrivent et les premiers tapés sont brandis. Tu perds du temps, tu t'en aperçois quand les teams grandissent. Les travailleurs ont du mal, guettent les palettes entreposées. Mais tu peux rien réduire, même que tu tasses entreposées. La jeunesse est frontée, les minutes de bonne humeur sont comptées. Rares comme la bac et ses jours de bonté. Bien loin d'avoir le choix entre les goûts et les couleurs. L'endroit impose la philosophie des coups et des douleurs. Examine le passé, charge et regarde le présent. Avoir trop vécu fatigué, pédérise à 16 ans, toujours en place, jour après jour, on caisse les coups durs. On s'appelle frère, nous on aurait bien besoin d'un coup de soudure. La vingtaine dans la vie craque, les plus grands vont tester le quinté. Car Placide a touché un Schmitt, alors on se laisse esquinter. Certains couilles, certains pèsent, d'autres ont l'habitude de béton. Sauf un dernier cri discret à 20 000 sous le béton. On est trop dans la merde, impossible de jouer de perso. Galope alors que la poisse est penchée sur le perso. Tous nos destins sont écrits, à ton bras, un ventre. Les gros cognards laissent avec des briques au bout des avant-bras. Et depuis des années, on fume nos plusieurs tonnes par semaine. On s'entraîne, banque, style, douille et bouteille de chantraine. Certains sont millionnaires, on s'en sort pas si mal finalement. On est tous différents, pourtant fichés au même finalement. Certains le vivent autrement, ajoute-y la maladie. On tient choc la tête haute uniquement parce qu'il y a maladie. Esquive les jours de tempête où les ouzis se placent. Entre coups de vie se crasse, y'a du flou qui se brasse. Une red boost qui se casse et les coups qui se passent. Dis-moi comment tu crois, mon frère, qu'on sait tout ce qui se passe. À Blanc-Blanc, on aime le soir parce que le bruit des temps. Tu peux mourir aussi, mais ça on le sait depuis la nuit des temps. Décris l'ambiance, tu peux en faire des cartons de face. Si très bienvenue, les cons des tapes, elles partent, on blague. Les frères sont mal foutus, toutes les barrières qui franchissent pas. Les grands renois trop longs, les petits rebeux qui grandissent pas. On est loin d'être perdu, on n'attend pas le débarquement. Dans l'une des régions cramées, du plus cramé des départements. Dis à tous ceux qui croyaient en revoir une parcelle. Que mon 9-3 s'étale au nord jusqu'aux frontières de Sarcelles. Le quai des orfèvres Marcel. Et quand le moment ça vient, le sang-froid est de mise et tout. Tous les vrais le savent bien. Au quotidien ça pue la merde, je te le dis franchement. Même la reine franchement, comme des Kosovars dans les retranchements. On attend pas grand chose, j'ose même pas dire le changement. Y'a tellement de bordel dans le secteur qu'il vaut mieux fuir le rangement. Ça fume plus que les hippies à la grande époque. Ça commence tout petit, laisse pas traîner ton fils. Les enfants des blocs, ici on a des vérités qui versent le sang comme la gueule. Donne-moi une raison de la fermer, une raison grande comme ma gueule. Le propre relâche les enfants quand ça se barre en tige. Petit frère ce soir tous comme un daron de 40 piges. Y'a toujours un big crâne, donc pour trouver le sommeil on Bosnie, apprécie le repos comme une journée de soleil en Bosnie. On attend jour où les nantis et le pouvoir s'arrachent. Averti par la voix du peuple anéanti par sa rage. En attendant mon frère, qu'un jour chez moi ça aime pardonner. Ça se la pousse en gêne charbonné, retape des BM cartonnés. Obama, génération si tous ceux qui expertisent. Vu sous expertise, nettoyé par toutes les expertises. On vit cette vie en arrière-plan mais plus hardcore que la scène. Si le décor la scène, tout le pont de nos vies coule encore la scène. Et c'est la merde que les vrais savent, l'avenir se lance en crédit. Sué pour loyer ou partard avec ses 30 ans de crédit. Si reste informé de notre cause, j'entends. C'est ta maman que j'avais autre chose dans le sang.